partirai par le sidéral. Adieu, adieu la terre. Je mettrai le cap sur les étoiles, loin de ce monde où tout fait si mal. Adieu, adieu, adieu la terre. Adieu la vie misère. Je partirai comme un météore. Adieu, adieu la terre. J'emporterai l'ombre de ton corps, le négatif de notre décor. Adieu, adieu la terre. Adieu la vie collée. Je n'aurai pas de rétrofusée. Adieu, adieu la terre. Tout bagage, un bouquet séché, des arbres morts, des oiseaux tués. Adieu, adieu la terre. Adieu. Mais où j'irai, je le sais déjà. Adieu, adieu la terre. Dans un pays où tout revivra, la fleur et l'arbre et l'oiseau et toi. Qui pourra m'arrêter? Je sais où je vais. Adieu la terre. Adieu la vie misère. Adieu la vie colère. Adieu la vie poussière. Adieu la terre. Adieu la vie misère. Adieu la vie colère. Adieu la vie poussière. Adieu, adieu, adieu.